suis appauvrie. Voilà que voilà, genre, tout à coup ma vertu. Dans tes yeux, chérie, laisse-moi deviner ta tendresse. Il est promis. Jusqu'aux cheveux, oui, je sais, tu me veux, et tes prunelles malignes savent lire entre mes lignes. Je sens rôder tes mauvais desseins par les seins sur mes seins. Depuis longtemps, je remarque que tu bandes ton âme pour me lancer une flèche au cœur. Sous ce dard vainqueur, je dirai, je meurs. Tais-toi, tu m'affoles. Je suis à bout, vois-tu. Il faut que s'envole maintenant ta vertu. Dans tes yeux, chérie, laisse-moi deviner ta tendresse. Il est promesse de tes caresses. Vertu, tu n'es que plusieurs noms.